Aïe. Donc, la femme de par nature se doit d'apporter la douceur autour d'elle afin que le message d'amour puisse s'intégrer en coulant sans brusquer. OK. Non. La femme ne se doit pas de faire quoi que ce soit. Bon, ça c'est important. L'homme ne se doit pas non plus, puis la femme ne se doit pas de faire. Bon, la femme, elle a une caractéristique qui la met en plus grande affinité avec effectivement la douceur, ce qui va faire en sorte qu'elle va plus facilement être capable, si elle conserve sa féminité, puis si elle l'exprime, de communiquer effectivement de l'amour, d'un amour qui est pur, partout autour d'elle, justement, ça va couler, ça va faire comme un bateau dans l'eau, ça avance, enfant dans l'eau, puis derrière, l'eau n'est jamais brisée. Ça, l'amour instantané. Bon, ça crée quelque chose, puis ça ne dérange rien. Bon, la femme, ça, c'est sûr que la féminité, c'est ce que ça va faire, puis il faut que la féminité dans l'homme arrive à la même chose. Donc, la femme n'a pas un rôle différent de l'homme. Elle est différente du point de vue de sa structure, donc de sa constitution, ce qui fait que nécessairement, l'expression des différentes énergies ne sont pas la même chez l'homme ou chez la femme. Par contre, la femme, c'est évident que présentement, elle a une plus grande affinité à exprimer l'amour. Mais quand je dis la femme ne doit pas, c'est-à-dire la femme ne se doit pas de faire ceci... C'est pas une mission. Non, c'est ça. C'est comme si, à un moment donné, on va dire aux femmes, ben, écoutez, les femmes, la femme se doit d'apporter l'amour, ce qui fait que... Celle-là d'intelligence, là, ben, qu'elle ressemble la boîte, tu sais. Elle se doit d'apporter l'amour. La femme se doit d'être, elle, dans sa totalité. Si elle a de l'intelligence, elle exprimera l'intelligence. Si elle a la capacité d'amour instantané, elle devra exprimer la douceur. Puis la douceur, c'est faible comparativement à l'amour instantané. C'est énorme pour l'homme ou la femme qui n'est pas encore habituée avec des mécaniques qui sont beaucoup plus absolues que les mécaniques mémorielles sont relatives, que l'humain connaît jusqu'à date. Relatives, on le sait à travers les différentes religions, les différentes obédiences, etc. La femme n'a pas de mission particulière. La femme, elle doit être elle. Et par sa constitution, elle a une plus grande facilité à entrer en contact avec l'amour instantané, alors qu'elle en profite, puis qu'elle s'arrange pour en bénéficier elle-même, et nécessairement, ça sera rayonné. L'homme, lui, par sa constitution, a une plus grande affinité avec l'intelligence, plus beau que l'amour, avec l'intelligence instantanée, et qui en profite donc pour lui-même, puis qui s'arrange aussi pour le rayonner. Mais le problème qu'il y a, c'est que juste un contact avec l'amour instantané, sans contact avec l'intelligence, la femme va se faire dominer. Puis juste un contact avec l'intelligence, sans le contact avec l'amour, l'homme finit par être un dominateur. Et dans ces deux cas-là, ici, on n'a pas d'intelligence qui a du cœur, on n'a pas de cœur intelligent, on n'a pas d'esthétisme réel, et ce n'est pas ascensionnel dans le sens désinhibiteur, ce n'est pas joyeux, ce n'est pas facile, ce n'est pas doux, c'est problématique. Donc, l'homme a intérêt à cesser d'être un dominateur, garder son intelligence et commencer à exprimer de la féminité, qu'il l'habite aussi, mais il devra la cultiver. Alors que la femme, elle peut déjà exprimer la féminité, puis elle devra lentement développer l'expression d'intelligence. L'intelligence l'habite aussi, mais elle doit l'exprimer pour ne pas être dominée et pour ne pas non plus devenir dominatrice. C'est évident. Être son seul maître, ça veut dire être bien. Quelqu'un vous dit que vous êtes laid, alors ça ne vous dérange pas, parce que c'est vous qui décidez comment vous êtes. Pas l'autre. Quelqu'un vous dit de faire des choses qui n'ont aucun sens, vous ne les faites pas. Vous ne pouvez pas être stressé. L'extérieur ne vous stresse pas. C'est vous qui êtes le maître, c'est pas l'extérieur. C'est pas la température, c'est pas, etc. C'est ce que l'humain doit développer. Pour cela, l'homme doit devenir femme, c'est-à-dire féminin, puis la femme, elle doit développer sa féminité, la conserver, puis progressivement l'assujettir à un contrôle par l'intelligence. Si je réincarne plus littéralement, comment puis-je alors m'identifier qu'à une seule personne? Les manières, l'expression et les tendances en général restent les mêmes malgré le temps. Pourquoi? Bon. Premièrement, la personne, elle a un nom à problème. Le nom de la personne va très bien avec ça. C'est un nom qui... Bon, c'est un nom qui va faire en sorte que la personne va être... C'est un nom qui, normalement, appartient à une collectivité. C'est une femme, c'est un nom féminin qui appartient à une collectivité. C'est un problème. Je réincarne pluralitairement. Bon, si je réincarne, effectivement, je réincarne pluralitairement. C'est pourquoi, pensez-vous qu'on est instable psychologiquement, qu'on est capable un jour d'être en forme, un jour d'être malheureux, un jour d'avoir le goût de foncer, de tout défloter, de créer. Un autre jour, on n'a plus de mémoire, on n'a plus rien, on n'est plus capable de rien faire. C'est dépendamment des particularités réincarnationnelles qui viennent s'exprimer au niveau de la conscience mémorielle, on n'est pas la même personne. Alors, comment puis-je m'identifier à une seule personne? On ne s'identifie pas à une seule personne. Alors, reconnaissez-vous vous-même. Ça, c'est important. Traditionnellement, au niveau de l'historicité des structures révolutionnaires, l'humain essaie toujours de s'identifier à une mécanique de pensée. La pensée, c'est de la mémoire, c'est de la réincarnation. Vous pensez à des choses, puis c'est pas ça que vous voulez penser. Mais là, c'est pas ça que vous voulez penser, c'est vous, ça. Ce que vous pensez, ce n'est pas vous. L'humain est assujetti à la pensée. L'humain est l'esclave de sa pensée. La pensée, c'est pas lui. Alors, quand la personne doit s'identifier à une seule personne, c'est pas s'identifier dans le sens de reconnaître une mécanique et se dire, regarde, moi, je veux être comme elle ou je veux être comme lui. C'est s'identifier, c'est pas ça. S'identifier, en réalité, c'est même pas nécessaire. La personne doit devenir un individu, donc individuel. La personne doit totalement éliminer toutes les structures mémorielles qui vont finalement former le masque, l'armure, la personnalité de l'individu qui communique ce qu'elle n'est pas elle-même. La personne doit travailler simplement à être ce qu'elle est, elle. Puis être ce qu'on est, c'est simple, c'est qu'il y a tellement de choses qu'on fait qu'on ne voudrait pas faire, qu'on dit qu'on ne voudrait pas dire, qu'on pense qu'on ne voudrait pas penser. Quand les personnes se disent, par exemple, moi, tu sais, je suis faible, on n'est pas faible, on est manipulé. Bon, la personne, elle ne doit pas essayer de s'identifier. Moi, qui suis-je, moi, Daniel Kiem? Je suis un conférencier. Mais non, je ne suis pas un conférencier. C'est vraiment rien là de conférencier. C'est comme de dire Daniel Kiem, moi je suis une main. Et franchement, je suis pas grand-chose. La personne ne peut pas s'identifier comme ça. Et je n'ai jamais dit que personne ne devait s'identifier. La personne, elle doit simplement finir par être son seul maître contrôleur. Puis c'est quoi? C'est à travers toutes les choses. Quand ça fait du sens, là, c'est vous autres, ceux qui voyez ça. Puis quand ça ne fait pas de sens, là, même si vous avez le goût, etc., on est manipulé. Hein? La personne qui boit puis qui a dit « Ben, non, je sais, il faut que j'arrête de boire. » La personne qui se drogue puis qui a dit « Ben, je sais, il faut que j'arrête de me droguer. » Elle le sait. Celle qui le sait, c'est la personne. Puis c'est la personne, la chose qui va se droguer, ça, c'est les mémoires réincarnationnelles qui viennent posséder l'individu. La personne n'a pas à s'identifier à quelque chose. On est en perpétuel changement. Si on s'identifie, on perd notre temps. Dans le cas de cette personne-là, pourquoi son nom est... Je peux souligner que son nom était problématique au départ. Pourquoi son nom est plus problématique qu'un autre nom? Parce que les autres noms sont moins problématiques que ce nom-là. Oui. Parce que ce nom-là est un nom qu'on donnait à un moment donné à des personnes... Bon, quand je parle problématique, là, allez, rentrez pas des témoins de Jéhovah pour faire baptiser demain matin, sans changer de nom. Le nom est problématique. Il y a plusieurs noms qui sont problématiques. Tous les noms doubles sont problématiques. Ça crée deux personnalités chez les individus, mais c'est pas mer à boire. Mais ça crée des problèmes des fois. Puis des fois, c'est réellement problématique. Le problème, c'est que ce nom-là, c'est un nom qui, dans l'étymologie, désignait simplement l'ensemble des femmes. Alors, c'est un peu comme esclave. T'es un esclave. Mais un esclave, c'est pas. Ça désigne une population. Alors, ce nom-là désigne, à l'époque, désignait aussi l'ensemble. Fait qu'une personne qui se fait appeler comme ça, c'est une personne qui est collective, qui appartient à une collectivité, qui est réincarnationnellement alignée au complet. Ce n'est pas un individu. Bon, c'est pas mourir. Daniel, c'est un peu la même chose. Daniel, c'est un prophète. Bon, puis, habituellement, il avait l'expérience de changer seulement avec les lions. Ma femme, moi, un capricorne. Capricorne. Je n'ai pas vu les lions. C'est caprice à corne. Ouais. Bon, caprice, corne. Qui sont les narcodons et parle-nous d'eux. OK, des questions, on va revenir. Nostradamus avait prédit que la fin du monde va arriver le 21 mai 1991. Est-ce vrai? Quelle date qu'on est? C'est bientôt. Non, c'est pas vrai. Et on s'en va. Nostradamus n'a jamais rien prédit comme ça, mais les personnes interprètent les prédictions de Nostradamus puis essaient. Nostradamus a prédit la fin du monde en l'an 81. Il l'a prédit pour l'an 83. Il l'a prédit pour l'an 90. Il l'a prédit pour l'an 91, il l'a prédit pour l'an 92, il l'a prédit pour l'an 95, l'an 97, l'an 2012, l'an 2013, l'an 2023. Des chances de l'avoir. Des chances. Premièrement, la fin du monde est arrivée en l'an 1969. Mais elle avait déjà eu lieu avant. Elle avait eu lieu en l'an 1940. Elle avait eu lieu en l'an 1919. Mais elle avait eu lieu aussi encore avant. C'est toujours la fin d'un monde. C'est pas la fin de la Terre. Autrement dit, la fin du monde, ben c'est pas la fin du monde. Et effectivement, en 1969, il y a eu un contact avec le plan supramental, ce qui fait qu'on est dans une fin de monde. Pourquoi? Parce qu'une façon de voir les choses, une façon de vivre les choses va totalement mourir. Et il y a plusieurs personnes qui vont mourir à la tradition, qui vont mourir au passé. Il y a des dieux aussi qui vont mourir. Mais la date, non, le temps est extrêmement élastique, puis Michel de Nostradamus n'a pas prédit le 21 mai 91. Ça aurait été impoli. C'est la fête de quelqu'un que je connais. Non. Il aurait jamais fait ça. Non. Bon, on va voir si j'ai raison. Hein? 21, je peux pas, je travaille. Ah. Daniel, y a-t-il une raison logique d'exister? Ah, Seigneur, on peut regarder plus la fin, là? Non. Daniel. Y a-t-il une raison logique d'exister? Non. Ben des raisons logiques de cesser d'exister. Plus je me conscientise et plus toute la mécanique intelligente m'écœure. C'est évident. J'aimerais tout simplement m'anéantiser. C'est intéressant, s'anéantiser. Un jour, on fera une conférence sur l'anéantisation. Il y a un synonyme à anéantiser, c'est anégoïser. Parce qu'effectivement, l'anégoïsation, c'est l'anéantissement de l'ego. Puis qu'est-ce qui souffre présentement? C'est l'ego. La logique, c'est la farce, le mensonge, l'illusion qui va disparaître en dernier. La logique, c'est illogique. Là, je vais éternuer bien vite. Vas-y. Daniel, ça veut dire prophète, je l'avais dit. Bon. T'aurais même pu dire là, si t'avais eu une montre. Non, mais j'ai une montre, mais j'ai pas les secondes. La logique. Parce que j'éternue encore une autre fois. Mais habituellement, quand je le dis une deuxième fois, ça éternue pas. Si je le dis pas, ça éternue. Ben, je le dis parce que je vais pas éternuer. Bon. C'est logique. C'est totalement logique. La logique, c'est l'association dans un ordre plus ou moins mathématique d'informations que l'on a en mémoire. Si dans ma mémoire, moi, je sais pertinemment que la seule façon de rejoindre Dieu au ciel, c'est de porter des couches toute ma vie. Mais ce sera logique que je mette des couches. Ça fait des couches de société différentes. C'est ça. Mais au-dessus des couches. En haut au ciel. C'est logique. Mais logique ne veut pas dire intelligent. Y a-t-il une raison logique de vivre? Non. Il n'y a que des raisons mécaniques. Dans la spiritualité, ce sera des raisons qui seront émotives de vivre. Ben, Dieu vous aime. Dieu vous a créé. Il ne va pas vous mourir. Il va vous fixer seul un jour. Et on ne vous en pas. Bon. Il va venir te chercher pendant que tu dors comme un voleur. Puis quand c'est un humain qui fait ça, c'est comme un assassin. C'est ça. Il n'y a pas de logique de vivre. Imaginez, venir au monde, souffrir. Si on arrive dans la salle à épouvante à fœtus, puis on se fait pas chier, bang, bang, bang, bang, bang, bon boy. Puis après ça, il nous coupe le cordon, schnack. Et puis après ça, il nous met des couches. Puis il nous lave les oreilles. Pas mal. Il met des gouttes dans le nez, et tout ça. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? On a froid, on a faim, on passe notre vie à travailler, à souffrir. On se bat contre nos parents, on se bat contre nos professeurs. Puis un jour, on se bat contre nos enfants. Et puis on se bat contre nos élèves. Et puis, vous passez votre vie à travailler, vous achetez une automobile, ça roule, ça tombe. Vos enfants, ils finissent par s'en aller, ils vous sacrent là, ben non, ils sacrent leur camp. Il y en a qui ont des problèmes, vous en avez toute votre vie, vous achetez du linge, sans arrêt, on recommence. On finit en plus par vieillir, on peut s'organiser, puis se mettre des lotions, puis suivre des régimes, puis finalement, on capote. Puis à un moment donné, paf, on meurt. Mais vous avez une raison logique de vivre? Ben, en bleu, vous n'avez pas le choix. C'est la seule raison logique qu'on peut donner. Celui qui se suicide, ben, il se réincarne. Il s'en sort pas. Non, il n'y a pas de raison logique de vivre. La vie est une farce, une illusion, c'est illogique. Juste la raison logique des prédateurs. Dieu a créé le monde tellement beau, tellement beau, tellement beau qu'il faut qu'on s'entretue toute la gang pour arriver à vivre. C'est pas logique. C'est illogique. Être obligé de chasser, c'est illogique. Être obligé, par exemple, d'avoir des enfants, par exemple, voyez un exemple, et puis à un moment donné, ben, ils meurent. Vous en occupez pendant 12 ans, pendant 15 ans, pendant 25 ans. La nature travaille. Il apprend des choses. On met plein d'énergie. Puis paf! La logique, il n'y a pas de logique sur la planète. On est dans une prison totale, dans un enfer majeur. Pas de logique sur la planète. Puis je pourrais vous en faire un discours de démotivation. Ah, puis vous seriez démotivé en maudit. Il est bon, là. Ah oui, ah oui, ah oui. Non, ça, il y a des raisons intelligentes, de vivre. Allez pas le voir une journée déprimée, là. Quand... Non, mais les gens sont trop motivés. Il faut les ouais, motiver ouais. Un peu. Mais il y a un gars qui fait ça présentement, hein. C'est des motivologues. Ah oui? Non, pour les gens qui sont trop motivés, là, puis qui sont motivés à plus d'allure, là, ils motivent. Mais moi, il faudrait pas que je fasse ça. Parce que. Il y aura beaucoup de suicides. Mais il n'y a pas de raison logique de vivre, il y a des raisons intelligentes de vivre, puis il y en a une panoplie. Puis comment ça se fait que ceux qui réussissent, au moment où ils réussissent, ou à peu près, ben c'est pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Qu'on peut noter. Qu'est-ce que c'est réussir? Tu parles de quoi, là? Ben réussir, en apparence. Je prends un artiste, par exemple. Mon fils me posait cette question-là cette semaine, puis j'ai répondu du mieux que je pouvais. Mais un artiste qui a travaillé dur, il a travaillé dur toute sa vie, il arrive à un certain succès, il meurt. Pilote de Formule 1 que je connaissais, il travaille fort, il réussit, il arrive au niveau de il part. Il y en a plein comme ça, du monde que je connais, qui ont fait des affaires, qui ont été une personne qui n'a pas nécessairement été un succès international. Ouais. Élève ses enfants, une belle maison. Belle retraite, ça va dans le nord. Belle mort. Mort. Ouais. Fait que réussir sa vie, si tu réussis sa mort. Ah, lui, il réussit sa mort. C'était ça la question. Parce que réussir sa vie, c'est réussir sa mort. Non. Le meilleur de savoir vivre, c'est savoir mourir. Réussir sa mort, c'est réussir sa vie. Mais réussir sa vie, c'est pas réussir sa mort. Mais, enfin, deux questions, là. On va parler de l'intelligence de vivre, puis on va parler de réussir sa mort. Les raisons intelligentes de vivre, la première raison, l'intelligence, ce n'est pas logique, ce n'est pas émotif. L'intelligence, c'est de l'intelligence, c'est de la réalité. Comme je dis souvent, bon, l'amour, il y en a trop sur la planète. L'amour humain, il y en a trop sur la planète, c'est pour ça que ça va mal. 99% des chansons d'amour, c'est des chansons où on se plaint. Fait qu'en partant, en amour, c'est intéressant. Puis quand on dit l'expression, oh, c'est ses premières souffrances d'amour, c'est normal, l'amour, c'est de la souffrance. Puis si t'es pas jaloux de quelqu'un, ben l'autre, il sait pas si tu l'aimes. Si tu souffres de l'aimer, puis si tu t'ennuies pas, ben tu l'aimes pas. L'amour, c'est de la souffrance. L'amour humain. Il y a trop d'amour sur la planète, c'est pourquoi ça va tellement mal. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que si on parle d'intelligence, l'intelligence parle de réalité. L'intelligence mentale, souvent, il y a des gens qui sont frustrés quand ils m'entendent la première, deuxième ou troisième fois. Des fois, c'est la 25e fois que ça commence. Bon. Pourquoi? Parce que l'intelligence amène de la réalité. L'intelligence ne vous dira pas qu'il y a une raison logique de vivre. L'intelligence ne vous dira pas que c'est génial, la vie sur la planète Terre. On mange des cuisses de grenouilles, des escargots, on mange du chevreuil illégal, on mange du spaghetti, et puis après ça, ben là, on est malade, et puis bon. Non, l'intelligence ne peut pas dire qu'on est sur une belle planète. On est sur une planète. L'intelligence va dire qu'on est sur une planète. Ouais, une planète. À l'époque, mais c'est une place sale, tu sais, on l'a pollué pas mal. Bon, on est sur une place sale. L'intelligence de vivre, premièrement, vous n'avez pas le choix. C'est donc une très bonne raison intelligente d'être là. C'est la réalité. Deuxièmement, l'intelligence va être capable d'aller chercher des informations qui ne sont pas tributaires de la planète Terre. Donc, au lieu d'avoir un point de vue très humain, très mémoriel, très archaïque, on a toujours fait ça, ça mène nulle part, ce que la personne va vivre. L'intelligence va être capable d'aller chercher un point de vue extrêmement galactique minimum, qui est le phénomène supramental, qui est de la mémoire d'expérience galactique. Alors que le phénomène astral spirituel, le ciel, c'est une mémoire d'expérience planétaire, c'est extrêmement limité au niveau de son expansion, au niveau de son envergure. Alors l'intelligence va aussi dire simplement que par la vie, c'est la seule façon par la vie que le corps finit par être capable de supporter de la lumière. La lumière, dans le point de vue de la spiritualité, la lumière c'est de l'intelligence, c'est de l'énergie. La vie, c'est la seule façon, la seule voie de sortie pour une conscience absolue, une conscience non personnalisée, une conscience non existentielle, une conscience absolue. La vie, c'est la seule voie pour une conscience absolue de sortir de la mécanique du mensonge cosmique, des 13 dimensions cristallisées dans notre monde sous 4 dimensions. La vie, c'est la seule voie de sortie. La vie, c'est la seule voie qui va permettre, à un moment donné, à une conscience temporelle de parvenir à l'absolu et d'arriver à un état qui n'est pas réel, où elle pourra dire « la création n'a jamais existé ». La vie, c'est la seule voie de sortie. L'être humain qui meurt revient parce qu'il y a de la conscience en lui-même, c'est la seule voie de sortie. La vie, savez-vous ce que c'est que la vie? Présentement, votre corps, il est mort. Votre psychologie, elle est morte. Nos mémoires sont mortes. Ce que tu as dans ta caboche, c'est tout mort, c'est du passé. Ça n'existe même plus. C'est mort, puis c'est là. C'est mort. Bon. La chaise, c'est mort. L'eau, c'est mort. Tout. Les papillons, là, c'est de la matière morte qui vole. C'est quoi la vie? La vie, c'est simplement de la conscience dans de la matière morte. Puis comme l'humain a une dose de conscience beaucoup plus grosse que les animaux, les animaux, ils savent des choses. Nous, on sait qu'on sait des choses, on a de la conscience. Les animaux, eux autres, n'ont pas de conscience, une conscience qui est inconsciente. Nous, on a une conscience consciente, on sait qu'on sait, eux, ils savent. L'oiseau, il sait comment faire un nid, mais il ne sait pas qu'il sait comment faire un nid. Il sait comment faire un nid. Nous, on sait comment faire des choses, puis en plus, on sait qu'on sait comment faire des choses. C'est la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui procède d'une mécanique, l'humain appelle ça Dieu. C'est au-delà des visions divines de l'humain. Quelque chose qui est totalement inaccessible à la conscience mémorielle de l'humain, c'est extra-créationnel, ça n'est même pas dans la création. La conscience, c'est une prémisse de ça ici. Ce qu'on a nous autres, c'est de la conscience. La conscience, quand ça touche une matière morte, ça l'anime. Et en l'animant, ça va créer des plans inférieurs pour lui permettre, à la conscience, c'est ce que vous êtes vous dans la réalité au niveau de l'absolu, c'est l'être réel, l'être absolu, non pas l'être fragmentaire qu'on connaît dans le contexte planétaire. La conscience, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que pour être capable de structurer de la matière, pour l'animer, pour se servir de la matière de façon à rendre la matière consciente à la longue, c'est le rôle de l'homme, rendre conscientiser l'univers au complet, la création. Pour cela, nécessairement, la conscience va créer des corps inférieurs, donc elle va prendre de la matière dans les mondes refroidis, parce que tous les mondes ne sont pas comme le nôtre. Donc, dans des mondes refroidis, ça prend de la matière, ça va y mettre de l'énergie vitale qui va être de la vie, qui est un corps éthérique planétaire, ça va y mettre de l'âme, qui est un corps astral planétaire, dans lequel il y aura de la mémoire de conscience. Et là, lentement, ça crée un corps mental, ça crée des structures qui finissent par faire en sorte qu'à un moment donné, les corps physiques sont capables d'être conscients, puis d'être conscients de la conscience, on est conscient de la logique. On finit même par se rendre compte que même la logique devient stupide, la personne en est rendue là. C'est de moi une raison logique, mais même là, la logique, je vais donner des raisons logiques, elle va tout démolir. Parce que sa conscience est rendue à un niveau et est capable de démolir la logique. c'est de la vie. La vie, c'est l'expression de la conscience dans la matière. Autrement dit, la personne qui se sent le plus proche de mourir n'a jamais été aussi vivante. C'est ça. Que là. Et c'est souvent le cas. Tu ne souffres plus. Une personne qui veut se suicider, là, quand elle décide de sauter, là, ben, il n'y a plus de problème. Puis là, il y a un problème, c'est que là, je raconte c'est quoi la vie. Mais là, elle est entre le trottoir du pont Champlain, puis le bateau qui passe en bas, qui demain, c'est un peu tard, elle n'est pas prêt à voler encore. Alors attends, dans la dernière zone blé, puis tout le monde mange ça. C'est sa planète, hein, c'est ça. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que la vie, c'est ça. La vie, ce n'est pas la présence d'un corps animé ici. C'est pas ça, la vie. L'humain voit ça. T'sais, on voit un papillon, la vie. Il y a un oiseau qui bouffe le papillon, la vie, elle continue. C'est la matière dans laquelle la vie s'exprimait. La vie, c'est de la conscience. Alors, les plantes ont un petit peu de conscience. Les papillons, pas beaucoup plus. Puis les herbivores, un peu plus. Les carnivores, beaucoup plus. Puis l'homme, celui qui a le plus de conscience. Puis c'est pas beaucoup. Alors, une raison intelligente d'être en vie, c'est là, c'est l'intelligence, c'est la vie. Rien que la mécanique, si tu le sais, tu reviens. Fait que de toute façon, là, tu sais, c'est comme le jeune qui dit, donne-moi une raison intelligente, donne-moi une raison logique d'être à l'école. T'as pas le choix. C'est une mauvaise bonne raison logique. Totalement stupide, c'est pas intelligent, mais c'est logique. Ben, un teflon, évidemment, lui, c'est pas long, c'est pas logique, lui, ça que son camp veut rien savoir, mais... Comment les habitants de Monte Picchu, Pérou, ont quitté la planète? Bon, il faut faire attention aux livres qu'on lit de temps en temps. Bon. Monte Picchu. Bon. Les habitants de... Ils ont pas, ils ont quitté la planète. C'est intéressant, c'est très, très, très intéressant. Tu savais tout ce que je sais là. Ça a l'air. Ah oui. Je m'informe là. C'est intéressant. Très intéressant. Mais échange. communique. Ils sont 4-5, hein. Ils sont 4-5 à te parler en même temps. C'est ça, oui. C'est ça, les habitants, puis les contre-habitants. Puis le maire est contre. Bon, répète la question. Comment les habitants de Monte Picchu, Pérou, ont quitté la planète? Ils sont fait kidnapper. Ils sont fait enlever. Alors, ils sont fait enlever par des extraterrestres, évidemment. Hein? C'est à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'humains qui pouvaient voler. Ça a été le sacrifice ultime. Ils se sont fait ramasser comme les Incas avec comme les derniers Aztèques avec les Espagnols. Ils se sont fait ramasser comme il faut. Premièrement, c'est le temple du soleil majeur, c'est dans ces montagnes-là. Et puis au Pérou. Et eux attendent la venue des dieux volants. Alors, les dieux sont venus. En volant. C'est ça, en volant. Ils ont volé, les humains qu'il y avait là. Ils les ont kidnappés. Ils sont partis avec les humains qu'il y avait là, une partie de leur richesse au niveau des trésors et une partie de leur culte pour les amener dans un endroit où les personnes vont continuer à vivre leur culte. Mais c'est le sacrifice suprême fait aux dieux. Ils se sont eux-mêmes, évidemment, quand les extraterrestres sont arrivés, quand les secours sont arrivés, ben, quand les aéronefs sont arrivés, les Pérouviens de l'époque, ben, ils sont simplement été là-dedans. Les sacrifices, ils se sont donnés aux dieux. Les dieux s'en sont servis. C'est aux dieux? Oui, effectivement, très aux dieux. Alors, ils sont fait tripoter génétiquement, on a fait des expériences avec ça, etc. Puis finalement, la majorité de la race a été exterminée. Maintenant, il y a des personnes de Machu Picchu qui, à un moment donné, ont fui dans la jungle. Et puis, ils existent encore aujourd'hui. Une grande partie est allée s'établir sur le lac Titicaca. Et Titicaca, c'est un lac, à un moment donné, il y a un aéronef qui est passé là, et puis il y a une capsule qui est sortie, qui est tombée dans l'eau. Et dans la majorité des langues, caca veut dire excrément. Et la personne extraterrestre qui sortait de là était féminine du point de vue du corps physique, et elle s'appelait Titi, c'était la déesse Titi. Le lac Titicaca veut dire le lac de la déesse Titi, puis en référence avec sa venue. Ceux qui ont fui ont été sur le lac Titicaca. Ils se sont construits des îles à même des herbages qu'ils ramassaient à l'époque, et encore aujourd'hui. Et ce sont des îles faites d'herbage, ont des canaux en jonche, même chose, et ils vivent là-dessus. La majorité des descendants vont engendrer, à un moment donné, une guérillera qui sera le Sentier Lumineux. Et le Sentier Lumineux, qui présentement est totalement perdu de lumière, c'est des personnages qui, comme les Juifs ont rejeté le Christ, eux, le Sentier Lumineux, les Juifs attendent toujours la venue du Christ, le Sentier Lumineux attend toujours la venue du Dieu Blanc, qui viendra dans des chars volants pour venir les sauver. Les habitants de cette région-là, ici, ont été kidnappés. T'aimes-tu? Question numéro 1. Ah, c'est intéressant. Même si... Pas encore à mon goût. Mais je me remercie pour être honnête. Mais pas encore à mon goût. Est-ce seulement lorsque le double éthérique est complètement constitué qu'un humain s'aime? Quand il y a une fusion avec le double éthérique totalement finalisé, l'humain s'aime complètement. Mon double éthérique est 99,9% constitué. Et puis la fusion a commencé, évidemment. Puis, effectivement, dans le temps comme dans le temps, à un moment donné, je serais capable de m'aimer. Mais totalement, au niveau de l'absolu. Présentement, je m'aime suffisamment pour être capable de supporter toutes les contraintes d'un contact supramental, puis les contraintes aussi, les contraintes d'un contact bouddhique, d'un contact d'amour instantané, avec une mécanique réincarnationnelle qui fait que tu ne peux pas tout exprimer encore. Mais je m'aime suffisamment pour être capable d'atténuer suffisamment ces mécaniques-là, sans ça, je serais disparu plein bout de temps. Alors, mais effectivement, il y a encore des raffinements qui doivent être faits, puis la personne, elle le vise assez juste. C'est pas quand le double est constitué, mais c'est quand la fusion est finalisée. Que l'humain s'aime. Qu'est-ce que tu peux dire de Jocelyne Dagenais? Plein de choses, mais ça, je réponds à ça en séminaire. Pas en public. Est-ce qu'il y a vraiment un dinosaure dans le Loch Ness? Un Elasmosaurus. Adam. Puis il y en a plus qu'un. Édenté ou Adam? L'Elasmosaurus a des petites dents en avant, mais c'est un gros bec. C'est ce que c'est qu'un Elasmosaurus. Ben oui, c'est pour ça que je te pose la question. C'est super. Tu l'as quelqu'un qui te posait quoi? Un ichthyosaure, c'est très différent, un ichthyosaure. L'Elasmosaurus, c'est un... Il fait partie de la famille des dinosaures, justement, puis ça aurait pu être un animal préhistorique qui ne faisait pas partie de la famille des dinosaures. Les dinosaures, c'est des grands lézards, et puis l'Elasmosaurus, c'est un... C'est un peu comme un brachiosaure, mais... sous-marin. C'est ça je pensais. C'est brachiosaure, c'est lézard à bras, n'est-ce pas? C'est double queue, double poutre. C'est un grand cou, un gros corps comme indirigeable, puis une grande queue. Ça a des pattes, mais ça a quatre nageoires avec des petites pattes. Tu t'entends, là, c'est une claque de pattes de l'Elasmosaurus qui se ramasse en Afrique. Quatre grandes nageoires, et puis nécessairement, ben, le corps apparaît rarement à la surface, on voit un peu le haut du dos, et la tête. Puis les gens parlent toujours d'un serpent, à cause justement de la forme profilée de son cou et de sa queue. Mais c'est des Elasmosaurus qu'il y a dans le Loch Ness. Puis il y en a bien plus près d'ici, les Elasmosaurus. Au Québec? Oui, mais au Québec. Tout près du Québec. Prends-tu un permis pour pêcher ça? Qu'est-ce que le Yeti? Yeti là! Le Yeti, c'est le Migou. Un Yeti, c'est un Migou. Qu'est-ce que le Migou? C'est un Sasquatch. Qu'est-ce que le Sasquatch? C'est un Yeti? L'autre question? Mais non, le Yeti, c'est l'abominable homme des neiges, c'est un Yeti. Le Yeti, c'est le terme plutôt népalais. Sasquatch, c'est le terme amérindien. Yeti beau, népalais. Yeti. coupait. Télépathise-moi tes farces, là, c'est moi qui vais les faire. Son mec, il y a des bonnes farces, il est court. D'habitude, je les garde pour moi, t'es pas chanceux. Bon, mais ça, c'est comprend pas, fait que c'est pas là de les garder. Ou moi, quand les gens arrivent, tu sais qu'ils étaient bonnes. Ça, je les écoute sur la cassette après, puis. C'est tout bon. Je les comprends. Les Pasquats, ça vit ici, on en a quelques-uns en Ontario, il y a quelques-uns qui sont venus près du Québec, ça mesure entre 12 et 21 pieds de haut. Ils en ont vu de temps en temps en Alberta, surtout en Alberta puis dans le nord des États-Unis. Les Sasquatch, ce sont des descendants, premièrement c'est un mélange entre des mécaniques extraterrestres, je pense qu'ils sont extraterrestres, c'est une mauvaise parler. Et ce sont des hommes, des mélanges, bon, il y a toute une histoire assez longue, là, qui s'est passée en Lémurie à un moment donné, puis il y a des animaux qui avaient des caractéristiques humaines, et ils ne se sont pas développés au niveau du centre laryngé du cerveau, c'est-à-dire que l'énergie sexuelle n'a pas migré le long de la colonne vertébrale pour engendrer le centre laryngé et le cerveau pour permettre la parole, et ils ont continué à se reproduire d'une façon hermaphrodite, donc non sexuée, il n'y en a pas besoin de mâle, de femelle, c'était tout dans un. Et puis, à un moment donné, la nature a fait à Londres qu'ils ont été obligés de se reproduire mélangés. Et ça leur a donné les hommes sans parole, c'est-à-dire que toutes les sortes de singes descendent de l'homme. Et à travers ces singes-là, on a le migou, le sasquatch. Ce sont des similitudes. Ce sont des singes humanoïdes ou des hommes simiestres, ressemblant à des singes, et avec des caractéristiques différentes. Le sasquatch ne ressemble pas tout à fait au yeti, mais c'est similaire. La majorité de ces animaux-là vivent sous la Terre. Donc, c'est un mélange entre des races humaines et des intraterrestres de l'époque. Ils vivent en majorité sous la Terre. Ils sont très grands pour un paquet de raisons génétiques et biologiques. Et ils ont tendance à sortir à la surface. Au niveau du Népal, au niveau de l'Himalaya, ils vivent encore. Ils vivent au niveau de l'Agartha, la majorité. Et de temps en temps, ils sortent à l'extérieur. Et ils sont aperçus par des lamas, entre autres. Les lamas, ça n'a rien à voir avec les animaux du Pérou, là, c'est des moines tibétains. Bon, ça a des nuances. On a eu un témoignage de lamas qui nous a confirmé. Ouais. lama, Sabastani, c'est autre chose. Est-ce qu'ils ont... T'as déjà mentionné dans une cassette, dans la 103e cassette avant aujourd'hui, qu'ils étaient aussi les protecteurs de certaines fissures qui permettaient de découvrir. Alors, si on va en Amazonie, on va rencontrer là aussi des abominables des jungles. La neige, le mousse pour forcer. Et puis, le rôle de ces géants-là, qu'encore, ce sont des yétis, si on prend le terme népalais, pour répondre à la question, et eux, ils vont protéger les trésors. Normalement, les bouches où on va rencontrer des écosystèmes extrêmement chauds dans l'Himalaya, c'est-à-dire que tu peux te baigner dans de l'eau chaude, tu sais, qu'il y a de la végétation, puis tu as des grosses couches nuageuses qui sont créées par la chaleur des rivières, des sources chaudes qui sortent. Alors, ça va créer un microclimat. Puis, en avion, ben, tu vois de la neige, de la neige, de la neige, puis un gros nuage blanc avec de la neige, tu vois rien. Normalement, les yétis vont servir à protéger les entrées de l'Agartha ou de Shambhala. L'Agartha est créé à la longue par l'expression de l'ego et de l'égoïsme des mécaniques sataniennes, alors que Shambhala va être créé par la longue par l'expression des mécaniques égoïsme d'Ariman. Bon, au moment donné, on pourra s'amuser à en reparler. Eux vont protéger, vu des mélanges intraterrestres, ils vont préserver ces entrées-là. En Amazonie, on a des trésors inestimables, on a des entrées qui mènent directement au centre de la Terre, et encore une fois, eux vont rester là, protègent ça. Pourquoi ils protègent ça? Parce que la majorité des Yétis se sont retrouvés à vivre entre sous la Terre, dans des régions où sont, ésotériquement on parle de la bouche de la mer, c'est par là que ça parle, ils vont se ramasser dans des régions où il y aura des entrées qui mènent au centre de Terre. Eux ne descendent pas parce qu'ils ont peur de ce qui se trouve en dessous, ils restent là. Pourquoi ils protègent? Ben, ils ne protègent pas le centre de la Terre, ils protègent leur demeure. Alors quand quelqu'un vient pour rentrer là-dedans, les Yétis ne veulent pas, ils ont peur pour eux. Ils ne pensent pas qu'ils protègent des secrets, ils protègent simplement leur demeure. Son territoire. Ils protègent leur territoire, mais le territoire se trouve à être à la porte d'une entrée souterraine. Un individu qui refuse le contact supramental peut-il en mourir? Un individu n'aura jamais la puissance nécessaire pour refuser un contact supramental. Ça règle le problème. Par contre, l'ego peut résister à un point tel au contact que l'individu peut aller jusqu'à mourir. Normalement, les égos vont résister au contact supramental et ça va engendrer des crises existentielles, plutôt. Où la personne voit bien que telle chose n'est pas correcte, qu'elle remet sa vie en question, puis en même temps, ben là, elle veut continuer à être ce qu'elle était, puis elle aimerait remettre sa conscience en question à place, puis tu sais, il y a une guerre qui se fait à un moment donné entre différentes visions chez l'individu, entre le rejet du passé, le rejet du neuf. Normalement, le contact supramental, le travail de l'ego, ça va donner ça. Le travail de l'ego aussi, la résistance de l'ego peut engendrer des maladies. Ça peut engendrer un paquet de problèmes du genre. La résistance de l'ego peut aussi faire en sorte que progressivement, l'ego va punir l'humain. Et c'est une mécanique extrêmement divine, dans le sens des dieux créés par l'homme à l'image de la ressemblance de l'homme. L'ego va punir l'humain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nos égos, ton ego, vos égos, travaillent contre vous autres pour vous punir. Et ça fait partie des mécaniques de récupération au niveau des forces d'involution. Pourquoi? Pour la simple raison que tu es sur le mauvais chemin. Tu continues, mais là, on va s'organiser pour que tu manques ton coup le plus souvent possible. Pour que tu puisses prendre conscience que c'est le mauvais chemin. Alors que tu es sur le bon chemin. Ce sont des mécaniques de récupération. Alors, l'ego va punir, par exemple, en rendant les individus malades. En rendant les individus pauvres. Quand je parle de pauvres, je parle de pauvres en temps, pauvre en argent. L'être humain qui se conscientise, l'être humain qui accepte le principe de féminité dans son expression, va nécessairement devenir riche. Le plus gros, le plus grave, si on veut parler de péché, le plus grave des péchés, c'est la pauvreté. L'être humain qui est pauvre nécessairement est totalement en dehors des mécaniques qui vont lui permettre d'arriver à un moment donné. Et là, je ne dis pas que le pauvre est éliminé. Ce que je veux dire simplement, c'est que la conscientisation réelle, non illusoire, non mensongère, fait que progressivement l'individu finit par voir sa santé s'améliorer lorsqu'il est transparent avec lui-même. Il va voir nécessairement son budget s'améliorer, son budget en temps et en argent, c'est-à-dire qu'il va finir par être libéré des contraintes matérielles, l'obligeant normalement à perdre une grande partie de sa vie à la subsistance matérielle. Bon, il n'y a pas une divinité, il n'y a pas un dieu sur la planète qui va descendre ici et qui va devoir aller travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et qui va faire de la divinité 2 jours par semaine tant qu'il ne soit pas trop fatigué. Il avec un rêve, prend sa retraite. À temps partiel. Oui, évidemment. L'être humain qui se conscientise va nécessairement finir par attirer autour de lui du temps et de l'argent. Nécessairement, ça dépend, ça nécessite une application. Ça nécessite pas une philosophie, l'idée, là. La personne qui commence à être un peu plus aristocrate, elle va attirer des choses. La personne qui commence à être un peu plus esthétique, donc endoformiquement adaptée à elle, ça va nécessairement créer des choses. La personne qui commence à être plus douce, ça va faire les mêmes choses. La personne qui est transparente, la personne qui s'en égoïse, la personne qui intelligente les choses, progressivement, la personne va s'améliorer. Et je répète que la mécanique, elle est exponentielle. Ça veut dire que plus on en a, plus on en a, et plus on en a, c'est de plus en plus rapide. C'est pas une question de dire, oh, mais ça fait 20 ans, ce qui fait que si j'ai encore 20 ans, ça fait 20 ans, après ça, ça va prendre 10 ans pour faire la même chose que 20 ans. Ça va prendre 5 ans après ça pour faire la même chose que les 30 dernières années. Ça va prendre 2 ans et demi pour faire les 35 dernières années. Ça va prendre, etc. C'est exponentiel. Plus ça avance, plus ça va vite. Sauf si l'ego est toujours là pour résister. Puis normalement, l'ego refuse le contact. Donc la personne va rester dans une situation financière qui est souvent précaire, qui est juste. Elle aura toujours juste ce qu'il faut pour sa corporelle. C'est rare les individus qui se conscientisent, qui se ramassent réellement dans le trou. Normalement, ils sont toujours sur le bord d'un précipice, puis ils ne tombent jamais dans le précipice. Bon, ton automobile casse, puis tu as l'argent qui est rentré juste pour ça. Tu n'as jamais plus, je dis, c'est bien juste tout le temps. Puis l'individu qui emprunte, puis qui emprunte, ben, va nécessairement amener l'autre à la pauvreté. Puis quand les deux vont être pauvres, le prêteur ne peut plus prêter, la personne va commencer son cheminement. Bon, prêtez pas quelqu'un qui se conscientise. Bon, sauf s'il est capable d'exprimer suffisamment d'intelligence et pas trop de résistance de l'ego. S'il y a trop de résistance de l'ego, normalement la personne finit par perdre la motivation de la vie. C'est une mécanique de récupération. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut écœurer vos égos pour que vous ayez absolument plus le goût de la vie à un moment donné, que l'ego suscite le corps physique et regagne le monde de la mort. Mais la vie est sortie pendant ce temps-là. Normalement, l'individu qui se tient un petit peu en contact avec des personnes qui se conscientisent elles aussi, ne vit pas ce genre de choses-là. La résistance va être diminuée un petit peu. Par la suite, l'ego qui résiste va faire en sorte que la personne ne sera pas en forme. Et des fois, elle ne sera pas en santé. Parce qu'il y a une différence entre être en santé et être en forme. Bon, alors la personne n'est pas en forme, la personne n'est pas en santé, la personne n'aura pas le temps à un moment donné, plus le temps de rien faire. Et souvent, on va aussi retirer son argent. C'est l'ego qui travaille contre l'individu. Et les maudits égaux, ils travaillent toujours contre les personnes. Ils travaillent pour les personnalités, mais ils travaillent contre les personnes, ils travaillent contre vous autres. Puis je répète encore une fois que bien souvent dans notre tête, c'est clair. Clair. Puis mais dans la réalité, au niveau des structures de l'ego, des structures réincarnationnelles, vous ne l'avez vraiment pas, ça ne fonctionne pas. Je rencontre des individus, moi, qui travaillent depuis des années à essayer de se guérir d'une maladie. C'est clair. Positiviste, Joseph Murphy, puis Abraham Lincoln, puis André Moreau, ben oui, donc. Toujours malade. Ah, ça marche plus. Bon, ben, ça commence. Le Jean-Marc, ça pue. Ça marche. Le frère, ça marche plus. Ça pue. Et puis, il arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, on vérifie. Veux-tu guérir? Et oui! Avec un paquet de mots québécois. Fait que là, on vérifie son ego. L'ego veut pas guérir du tout. L'ego est bien comme ça. L'ego, il attire la sympathie du monde. L'ego, il attire les cadeaux. L'ego, il est comme un petit bébé dans son berceau, puis tout le monde l'aime. L'ego est bien heureux d'être malade. Mais la personne dans sa tête, là, je lui dis, écoute, non, ton ego, il veut que tu restes malade. La personne, elle me répond, ben voyons donc, je suis pas fou. Tu sais, je veux guérir. C'est important de comprendre la nuance, elle est majeure. On va tellement cesser de faillir pour rien. C'est clair, là, ça veut pas dire que ça va marcher dans votre vie. C'est la puissance de la pensée. Ouais. Ça fait vendre des livres. Génial. Habituellement, les gars qui lancent des livres là-dedans, là, c'est les seuls, il faut que ça fonctionne. C'est, les autres, ils font de l'argent à main. Ils font de l'argent avec l'argent des autres, là. Génial. Quand t'écris un livre. Là, il faut faire bien la grosse nuance entre l'ego et la tête, parce que sans ça, il y a énormément de choses qu'on veut faire avec la tête, l'ego ne pourra jamais le faire. L'ego résiste à la conscientisation. Qui ici veut rester pauvre? Puis il y en a qui vont dire, ben moi, je suis correct. Non, mais je parle de temps et d'argent. On décide qu'on s'en va tous au Népal pour aller dans un endroit particulier que je connais où on peut rentrer puis aller se baigner en plein milieu de la neige, dans des trucs d'eau chaude. Puis il y a peut-être des yétis qu'on va voir. Bon. Fait, qui veut qu'il vienne? Fait, tout le monde va dire, ouais, mais moi, j'ai pas d'argent, puis je travaille, puis on est pauvre. C'est être pauvre. Être riche, c'est pas de se faire avec des millions de dollars. Être riche, ça veut simplement dire, je pars en vacances, j'ai des enfants, je les amène, tu sais, c'est ce matin. Coûte cher, t'es pas assez riche, sois riche. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va aller au Népal, on part demain. Libre en temps, libre en argent. On n'est plus assujetti à l'évolution lunaire. Bien, l'intelligence mentale, l'intelligence quand l'humain commence à la conscientiser suffisamment, bien, ça va créer ça. Progressivement, il y a des portes qui vont s'ouvrir, des portes pratiques dans la matière. Il n'y a pas une évolution ou une ascension qui sert à quelque chose si elle ne sert à rien. Hein? Bon. Alors, l'ego va tout faire pour empêcher l'accréditation matérielle et temporelle d'un contact supramental. L'ego va tout faire. Et la personne, ben, c'est ça ici. Bon, un individu qui refuse le contact, l'ego va tout faire pour le refuser. L'ego a recherché ça depuis le début, mais l'ego ne veut pas le trouver. Parce que l'ego est convaincu que si vous le rencontrez, si vous, là, les humains, les intelligences, si vous prenez possession du corps physique, ben les voir vont avoir besoin d'un ego. Pour chialer le matin, pour vous dire de vous lever, pour vous donner le goût d'aller manger. Mais non, Ça va être suffisamment intelligent pour vous dire, bon, il est temps d'aller alimenter le corps physique. Bon, il est temps d'aller coucher le corps physique. Bon, il est temps de relaxer l'ego. Il est temps de relaxer le corps astral. On va aller à la ronde, on va regarder un film intéressant. Bon, il est temps de, vous allez savoir. Alors que l'ego, ben l'ego, il se dit, crème, si vous, là, vous commencez à devenir le maître contrôleur de votre vie, l'ego, il a plus grand rôle. Et c'est faux, l'ego comprend jamais rien. L'ego a un rôle majeur à jouer, mais ce ne sera pas le même rôle. Comme l'ego ne peut pas comprendre, il ne comprend pas le rôle qu'il aura à jouer, ne comprenant pas le rôle qu'il aura à jouer, ben, il est convaincu que rien joue. L'ego refuse. Puis ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Si vous pensez, je travaille avec des individus, et puis la personne, elle veut monter tel projet, puis elle veut que je travaille. Puis là, on vérifie, puis son ego veut rien savoir du projet. Fait que là, j'ai dit, tu vois, ça fait 2 ans que tu travailles là-dedans, tu ne réussiras jamais. Arrête. Fais d'autres choses. Ou bien, instruis ton ego. Et change quelque chose. La personne est convaincue que c'est ça qu'elle veut faire, qu'elle a toujours voulu faire. C'est vrai. Là-dedans. Pas là-dedans. Fait que là, maintenant, ben là, elle change de carte. Là, on vérifie, puis à un moment donné, on trouve un coin où son ego veut aller. Ben, essaye ça. C'est des vendeurs, vends ça à place. Vends des condoms. Et vends des condoms. Ben, le mental ne veut pas. Voyons donc, ça n'a pas d'allure, c'est vendre des condoms. Ben oui, t'as essayé des automobiles, t'as essayé des aspirateurs, t'as essayé des machines, des photocopieuses. Vends des condoms. Là, le gars, il croit pas trop, il s'essaye d'un condom, puis il y a plein de clients. Tout le monde vient d'acheter. Son ego, là, lui donne exactement ce qu'il a besoin de vendre des condoms. Peut-être qu'il, tu sais, le gars, il y a quelque chose, l'ego est d'accord. Les photocopieuses, l'ego n'était pas d'accord. C'est la reproduction. L'ego n'est pas d'accord. Mais les condoms, c'est aussi reproduction correctement. Quand la personne, elle peut faire une psychanalyse, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Facilitons les choses. T'as besoin d'une libération. Il y a un chemin quelque part que tu faut que tu prennes. Ben, l'ego prend le chemin que l'ego t'amène. Il travaille avec toi dans ce temps-là. C'est très, très important. Il y a des individus qui, c'est bien correct au niveau de la tête. Ça plante carrément au niveau d'ego, au niveau d'astral. Un individu ne peut pas refuser le contact. L'individu peut se faire croire. La personne qui refuse le contact, elle va dire, moi, le contact ne va rien savoir. Moi, là, je veux pas être manipulé. Ben, c'est ça. C'est le contact qui t'amène. Qui te fait voir qu'il ne faut pas être manipulé. Moi, là, je ne veux pas être assujetti à personne, puis encore moins à ceux qui sont connectés au plan supramental. Ça, c'est typique d'un contact supramental. Oui, tu te diriges vers être son seul maître. Mais tu as des problèmes, parce que tu n'auras pas d'amis. Tu fais des amis, ça donne des conseils, puis tu vas pas... Oh, moi, je ne veux pas être manipulé par personne, tu sais. Là, tu peux devenir un MTS, un martyr de la transition supramentale, parce que tu finis par te prendre trop au sérieux à travers ce que tu vis. Mais la personne, il y en a plusieurs, à un moment donné, qui veulent absolument être individuels à un point tel qu'il ne faut plus qu'ils parlent à personne. C'est une grosse gang d'individuels de même. Ouais, dernièrement, je rencontrais quelqu'un qui disait, moi aussi, je veux faire des choses différentes de tout le monde. C'est justement la... Pas de subtilité, d'illusion, de mensonge, là. Moi aussi! Là aussi veut dire, moi je vais être comme tout le monde! Je vais faire des choses différentes des autres, hein? Ça fait plaisir à l'ego. L'ego a l'impression qu'il est individuel. Faut se préparer. C'est justement la prochaine question. Que veut dire être individuel au niveau de la conscience? Un jour, j'allais à l'école. Et puis, on était dans une polyvalente. Puis tout le monde devait s'habiller en uniforme, sauf qu'on avait une cravate de ville, puis un petit veston, puis une chemise, des pantalons, puis bon, des affaires propres. T'es plus vieux que ton élève. Ouais. Mais là, ça protestait, ça chiolait les élèves, ça chiolait, ça poussait des bureaux de profs par la fenêtre, puis on voyait de la paquette à faire. Il y a eu des grèves, c'était bien compliqué. On voulait plus d'uniforme! Ce que les autres disaient, parce que moi là-dedans, moi, je voulais à la bibliothèque. Il paraît qu'il y avait des... Je chacrais mon camp à la maison, mais je voulais m'amuser dans mon laboratoire. À un moment donné, l'école a fini par dire, OK, d'accord, plus d'uniforme, habillez-vous comme vous voulez. Le lundi, ils sont tous arrivés en jeans bleus. La gang, c'est tout. Non, on n'a plus d'uniforme. Toutes des jeans, toutes des rémunérations blancs, toutes des culottes bleues, toutes des vestes bleues, puis toutes des jeans bleus. Alors qu'avant, tu avais le droit aux couleurs de cravate que tu voulais, puis aux couleurs de culottes que tu voulais. Ça fait partie d'être mal pris, de penser qu'on est individuel. Individuel au niveau de la conscience, c'est ceci. Mon automobile est pris dans la neige. J'ai besoin d'aide. Voulez-vous venir m'aider à pousser mon automobile? Vous venez. On est collectif dans l'action. On n'est pas nécessairement collectif dans la conscience. On n'est pas nécessairement individuel dans la conscience. On pousse automobile. Là, à un moment donné, il arrive que les Indiens Mohawks, les Iroquois, décident de bloquer le pont Jean-Cartier. Puis tout, on voulait aller à la ronde. Alors, ils bloquent le pont de la Concorde aussi, là, pour les réfugiés. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive que là, nous autres, on va se dire, écoutez, on va aller en gang, leur expliquer que notre gang, on aimerait aller à la ronde. Là, on est collectif dans l'action. On ne sait pas encore si on est collectif dans la conscience ou individuel dans la conscience. Puis là, moi, je suis le chef, là, je vous arrange, puis je crie, puis là, vous êtes tous là, puis ouais, bon. On sort nos pancartes avec nos gros crayons, feu, tu sais, on peut tout écrire à la main, personne ne peut lire, on est là pour se mettre, bon. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que là, il y a des Indiens qui décident, ça bouge pas, ils restent là. Puis là, moi, je dis, hey, on prend des roches qui sont à terre, là, puis on va le faire avec la tête. Il y a une gang qui commence à ramasser les roches à terre, là. Mais ces gens-là sont probablement très collectifs dans la conscience. Puis il y a une personne dans l'eau qui dit, ah oh, ben non, oh, une minute, là, c'est pas de farce. Ça va trop loin. Elle est individuelle dans sa conscience. Elle juge à partir de ce qu'elle est, de ce qui doit se faire, donc de ce qui, finalement, fait partie de l'aristocratie planétaire de l'être nouveau. Elle juge à partir d'elle-même ce qui se doit d'être fait. Alors, si toute la gang décide de lancer des roches, mais elle lâche la gang. Elle a toujours été individuelle dans sa conscience. Ça, c'est une personne qui est son seul maître. Mais la personne qui se dit individuelle de conscience et qui ne veut pas travailler avec personne, aller pousser l'auto de... Voyons, non, c'est une gang de toto qui veut pousser. Elle se pense individuelle de conscience. Elle est individuelle d'action. Elle est probablement collective de conscience. Elle est dans l'autobus de la gang qui se dit individuelle. C'est des petites subtilités. Mais le fait d'être individuel de conscience, ça fait quoi? Ça fait que c'est vous et uniquement vous qui déterminez vos actions. On est manipulé, etc., ça va. Mais ce que je veux dire, c'est que si toute la gang décide de faire, puis que vous, ça ne vous va pas, bien, la gang ne peut pas vous convaincre. Vous êtes votre seul maître au niveau de la conscience. Individuel de conscience, ça veut dire ça. Alors, on peut être extrêmement collectif au niveau action. C'est génial parce que ça divise les efforts, ça multiplie les résultats, c'est merveilleux. Individuel de conscience, il faut que tous les humains finissent par l'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'habilles en fonction de ton onde de forme, de ton esthétisme, et non pas de l'esthétisme des autres. Comme que si j'en vois de l'air de même, c'est pas individuel de conscience. C'est collectif de conscience. La personne qui fait en fonction d'elle-même, elle est individuelle de conscience, et attention, si c'est l'intelligence qui règne dans son individualisme de conscience, elle est correcte. Puis tous les collectifs vont dire, tu es comment qu'est égoïste? Ah oui, on va essayer de vous récupérer. Parce que si, pourquoi on veut vous récupérer comme ça? Tu es bien égoïste, toi là, tu es individuel de conscience, tu sais? Tout le monde décide de faire la grève, là, puis tu veux pas. Et tu dis, non, moi je suis médecin, si on fait la grève, tout le monde va mourir, tu sais, c'est stupide. Ils vont dire, c'est toi qui es stupide, tu sais, c'est toi qui t'augmente, puis tu vas bénéficier de notre grève, puis... Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut vous forcer à être collectif de conscience. Puis on va vous traiter d'égoïste, comme ça, c'est une petite corde sensible, parce que c'est vous, dans l'ego, quelque chose qui aimerait être bien vu par les autres. Si vous êtes individuel de conscience, bien, si je vous dis que vous êtes égoïste comme ça, ça ne vous dérange pas. T'es pas un vrai père, t'es pas une vraie mère, ça vous dérange pas. Là, c'est individuel de conscience. Inaltérable. Individuel de conscience. Vous lancez des roches aux Indiens, c'est vraiment pas intelligent. T'appelles la Sûreté du Québec? Ben, c'est vrai. En ça, vous allez faire des problèmes, sinon c'est des roches. Non, mais t'appelles les autres, ils vont. Ça va coûter extrêmement cher. Ils vont, ils vont augmenter, ils vont remettre les postes de péage sur l'autoroute. Ça n'a pas de problème. Fait que ça venait à l'armée. Individuellement. Bonjour. Bonjour. Comment interprétez-vous le fait que certaines personnes fassent des rêves prémonitoires? Y a-t-il un destin préétabli? Je réponds très rapidement, il n'y a aucun libre-arbitre. J'explique tout ça en séminaire. C'est arrive extra-sec. dans une conférence régulière comme ça le vendredi. La plus grande farce, souvent, c'est que les mordus du lait barbite sont les personnes qui se font le plus souvent tirer aux cartes. Ça fait le quart du ciel. Même les astrologues. Quand je rencontre les astrologues et je leur dis, il n'y a pas de lait barbite, l'humain est totalement manipulé. Les astrologues me disent, l'humain a un lait barbite. Mais bon, c'est intéressant de lire les astres. Et si l'humain a un lait barbite, il n'y a pas de destinée. C'est bien facile. Puis, non, les astres inclinent, mais n'oublient pas. Ça, c'est des ajustements intellectuels. Tout cela, quand je te disais l'intelligence, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle t'oblige à rejeter le passé. L'astrologue, ne rejetant pas le passé, il découvre que l'humain n'a pas des barbettes. Puis comme il a toujours appris que l'humain en avait un, il va ajuster. Les astres inclinent, mais n'obligent pas. Mais s'il incline, puis n'oblige pas, c'est comme mon voisin. Il incline, puis il n'oblige pas. Moi, je tirais du voisin, à un moment donné. T'sais? Et puis, mon chien, il incline, puis il n'oblige pas. Puis la pluie, elle incline, puis elle n'oblige pas. Puis finalement, bref. Est-ce qu'on a les barbites ou si on a une destinée? Si on croit au menti, ben, faut qu'on cesse de croire au menti. Bon, alors, si on croit au menti, c'est qu'il y a un destin. Puis je veux connaître mon destin. Mais sachez une chose. C'est si y a un destin, c'est donc prévu que vous allez vous faire tirer aux cartes. Fait que la réponse qu'on va vous donner, c'est pas nécessairement la bonne. Il n'y a pas un humain qui contrôle sa destinée. L'humain est totalement si je le dis. Comment interprétez-vous le fait que certaines personnes rêvent, bon, font des rêves prémonitoires? Les rêves prémonitoires sont des... Ce sont des attrapes humains. Les rêves prémonitoires sont des attrapes humaines en ce sens que dans le monde astral, là où on va rêver, hein, on fait des voyages astraux, des extra-conscientisations astrales, dans le monde astral, l'humain, lorsqu'il va rêver là-dedans, il peut rêver, il peut faire un songe, c'est un rêve éveillé, puis un rêve, c'est un rêve endormi. L'humain va dans l'astral, puis à un moment donné, on lui indique un peu des choses qui, dans l'astral, ont déjà été descendus dans le contexte humain. Ça devrait arriver, ça. Pas sûr, mais 99%. On l'instruit. La personne, elle se réveille le lendemain, habituellement. Et puis là, ben là, 2-3 jours après, ou 2-3 mois après, ou 1 heure après, elle découvre qu'elle est en train de vivre ce qu'elle a rêvé. Bon, elle peut même prévoir des choses. Rêve prémonitoire, c'est génial. Pourquoi c'est une attrape humaine? Parce que dans l'astral, il n'y a rien là-dedans qui aime l'humain. Rien. Ça veut posséder l'humain, c'est jaloux de l'humain parce que l'humain vit. Il n'y a rien là-dedans. Rien. Dans l'astral, c'est les morts qui sont là-dedans. Il n'y en a pas un qui aime les vivants. Le Nazaréen avait dit, laisser les morts enterrer les morts. Rien que les autres peuvent se gérer. Alors, il arrive ceci, c'est qu'à un moment donné, après 8, 9, 15, 20 rêves prémonitoires intéressants, ben, on va vous en faire un prémonitoire, vous allez croire. Ça, c'est un rêve directoire. Pas prémonitoire. Là, on vient de vous charrier totalement, on vous dévie carrément de votre plan de vie, puis on vous rentre dans d'autres bebelles. Puis on fait de vous un esclave. Il y a des personnes qui ont des rêves prémonitoires à un point tel qu'ils ne peuvent plus endormir. Les personnes qui ont des rêves prémonitoires sont tellement pas capables de supporter dans leur conscience émotive les rêves prémonitoires qu'ils s'imaginent que c'est eux autres qui ont engendré les malheurs. La personne a rêvé un accident d'avion, à telle place, telle façon. Finalement, 2 jours après, des journaux, pas télévision, c'est exactement ce qui arrive. Elle pense que c'est elle qui a causé ça. Il y a un paquet de problèmes à un moment donné. C'est sûr qu'une personne qui a des rêves prémonitoires, elle ne peut pas se dire, bon, écoute, j'en ferai plus, parce que là, genre. Ce que je veux dire simplement, c'est que si vous en avez, ne les croyez jamais. Parce qu'à un moment donné, il va être faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça commence à arriver, là, une personne avertie en vos deux, ben correct. C'est utile. Un peu comme moi, si je vous dis, fais attention, il peut arriver telle affaire, puis j'ai raison. Alors, je le dis 4-5 fois, puis j'ai toujours raison. Ben, la 6e fois, peut-être je me trompe. Fait que la première fois, vous y allez, une personne avertie en vos deux, pas de problème. Puis la 7e fois ou la 6e fois, une personne avertie en vos deux. Puis quand ça n'arrive pas, il n'y a aucun problème. Vous n'étiez pas déjà en train de faire la chose. Les rêves aussi, il faut faire attention, ce sont des mécaniques par lesquelles les forces astrales s'arrangent pour récupérer les humains, pour les forcer à ne pas être leur seul maître. Le prochain avatar sera-t-il féminin? Ce serait intéressant, mais... Non. Que va-t-il apporter? Combien de temps va-t-il durer? Va-t-il durer plus longtemps possible? Il n'y aura pas de... Dans le sens singulier des prochains avatars, il va en avoir un bon paquet d'avatars, autant femmes qu'hommes. Et ils seront chapeautés par un personnage qui porte le nom mystique de grand monarque. Un grand papillon. Alors, il n'y aura pas d'unique avatar. Présentement, il y a deux phénomènes intéressants à l'échelle de la planète et deux hommes. Comme ça. Et il va y avoir plusieurs avatars qui vont être capables de mettre travailler entre eux. Ils vont être capables de se reconnaître mutuellement, sans exception. Et ce sera des hommes, ce sera des femmes et ce sera des enfants. Il reste quelques questions, je les pose la semaine prochaine. La conférence de vendredi prochain, le fleur de lys et le Québec. Parlez de nous autres, pour l'appeler. Bonne fin de semaine.